Bah donc on va commencer avec Victor et Armel qui viennent nous parler du capitalisme et de la dynamique capitaliste en lien avec l'écologie. Voilà, donc ils vont parler, donc je vous rappelle qu'ils vont parler pendant 20 minutes à peu près, et ensuite pendant 40 minutes, on fera un débat, questions, réflexions. Voilà. Bon, je m'excuse de la part de Victor qui peut pas venir malheureusement, mais bon. Donc, du coup, voilà, je vais parler de la dynamique de la crise environnementale actuelle, non pas en lien avec l'humanité en général, qui serait responsable du dérèglement climatique, de la déforestation tropicale sans précédent et de l'érosion massive des sols et d'autres phénomènes de ce genre depuis deux siècles maintenant, mais... Donc pas la rattacher à la dynamique de l'humanité en général, mais à la dynamique d'un système social qui est le capitalisme. Du coup, ça fait effectivement 40 ans qu'on parle maintenant de capitalisme durable, de développement durable. Et depuis, on est rentré dans une sixième extinction de masse. On a détruit en seulement 40 ans 20% de l'Amazonie et 60% des forêts de Bornéo, c'est-à-dire les deux plus grandes forêts tropicales. On a émis des dizaines et des dizaines de milliards de CO2 et d'autres polluants avec un pic en 2015. Ce qui fait que les dynamiques actuelles, en termes de degrés, même si c'est juste vraiment un des aspects de la crise environnementale qui est beaucoup plus générale et qui dépasse même la seule question du réchauffement et du dérèglement climatique, on est plutôt sur une dynamique qui va vers une augmentation de 4 à 6 degrés actuellement et même plutôt vers 6 degrés quoi à l'horizon 2100. Avec les conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire une montée des océans, et etc., etc. Et du coup, pourtant, ça n'empêche pas le capitalisme depuis 40 ans de prétendre qu'il va devenir enfin durable. Et pour ça, il essaie de donner des gages de sa bonne foi. Il met en place un marché carbone qui a montré son inefficacité complète depuis 20 ans. Il propose une géo-ingénierie qui pourrait avoir des effets encore pires que les effets du dérèglement climatique. Il propose des services écosystémiques, c'est-à-dire en fait de voir à chaque fois qu'on détruit la nature compenser légèrement financièrement. Et actuellement, ces services écosystémiques sont mis en place au Brésil où ils ont des effets catastrophiques, c'est-à-dire que par exemple l'entreprise Vale a pu raser quelques centaines d'hectares de l'Amazonie qu'elle a remplacée. Et ça, c'est ce qu'on appelle la compensation écologique, la restauration, en plantant des forêts d'eucalyptus qui assèchent la forêt et qui sont une monoculture commerciale qui ne remplace pas du tout les forêts tropicales. Et du coup, il propose aussi d'autres idées du genre relancer le programme nucléaire à l'échelle mondiale. La Chine parle de construire des centaines de centrales nucléaires. On connaît les problèmes que ça pose en termes d'augmentation de la radioactivité générale, en termes de risque d'accident, etc., etc. Ce qui fait que le capitalisme semble de plus en plus nous emmener vers une abîme écologique ou au mieux vers une dictature mondiale plutôt technocratique, complètement folle, qui pourra proposer des solutions aussi extrêmes que la géo-ingénierie. Et l'idée de mon intervention, c'est que cette dynamique de destruction environnementale du capitalisme, pour donner un ordre de grandeur sur la déforestation, au Brésil, on détruit à peu près 500 000 hectares de la forêt amazonienne chaque année. Pour donner un ordre d'idée, du 16e au 18e siècle, on détruisait ce même nombre d'hectares en un siècle, alors que c'était déjà une logique... par contre, là, ça... Alors que c'était déjà une logique commerciale assez avancée. Du coup, on est vraiment plus sur les mêmes ordres de grandeur et les chiffres de déforestation tropicale, d'émissions de CO2 continuent de croître. Et en fait, qu'est-ce qui est la cause de ça? C'est la production de marchandises pour de l'argent, qui est l'essence même du capitalisme, qui est responsable du désastre actuel, de l'anéantissement du monde de la vie. Pourquoi est-ce que le capitalisme est une société structurellement écocide? Parce qu'elle n'a qu'une finalité, elle n'en a jamais eu qu'une, même dans les systèmes soi-disant alternatifs du capitalisme d'État, du RSS, c'est une croissance infinie de l'argent, du capital, et ce, y compris au prix de la destruction des environnements, des êtres vivants. Et là, chaque être vivant, chaque entité, chaque ressource, chaque nature est conçue comme une source de valeur qu'il faut vampiriser, selon l'expression de Marx dans le Capital, qu'il faut consommer et qu'il faut au final consumer. Voilà. Et ce qui fait que pour l'économie, chaque année on brûle des dizaines de milliards d'équivalents CO2, on élève et on tue des dizaines de milliards d'animaux d'élevage, on abat chaque année des dizaines de millions d'hectares de forêts primaires, de forêts tropicales, ce qui fait qu'à la dynamique actuelle, il n'y aura quasiment plus de forêts tropicales d'ici à 2050, ce qui est quand même un horizon assez rapproché. Et on tue chaque année des dizaines de millions d'hectares de sols nourriciers en raison de la bétonisation, de l'érosion des sols et de la désertification. Voilà. Ce qui fait que Marx disait justement sur culture, tout progrès de l'agriculture capitaliste est non seulement un progrès dans l'art de piller le travailleur, mais aussi dans l'art de piller le sol. Tout progrès dans l'accroissement de sa fertilité pour un laps de temps donné est en même temps un progrès de la ruine des sources durables de cette fertilité. Et c'est là qu'on voit que la révolution agricole, depuis une cinquantaine d'années, en fait, a détruit énormément de sols. C'est pour ça que la révolution verte en Inde est partiellement un désastre là-dessus. Ce qui fait que même s'il y a une augmentation des rendements pour un laps de temps donné, il y a une destruction des sols qui, elle, est beaucoup plus durable. Et aussi, cette dynamique du capitalisme, elle conduit aussi à ce qu'on crée chaque année des milliers de tonnes de déchets radioactifs, qu'on risque des accidents nucléaires qui ont eu lieu à plusieurs reprises dans l'histoire, et un holocauste atomique à tout instant, tout ça pour l'alimentation énergétique du capitalisme et pour que les grands états capitalistes disposent d'armes de destruction massive. Et tout ça n'est considéré pour l'économie, et notamment dans le langage de la science économique, comme des externalités négatives. Donc c'est un peu bête, mais bon, tant pis. Et du coup, c'est pas simplement un choix de mauvaises entreprises ou de mauvais patrons, cette dynamique, mais c'est en réalité une contrainte même de la logique du capitalisme. Chaque entreprise, même si elle est autogérée, en raison d'une saturation tendancielle des marchés, ce qui fait qu'il y a des crises de surproduction, comme en 1929 ou comme dans les années 70, et d'une compétition généralisée entre les entreprises pour vendre leurs marchandises, eh bien ces entreprises, elles doivent produire toujours plus de marchandises pour pouvoir en baisser le coût unitaire et pour pouvoir vendre ces marchandises moins chères pour qu'on continue de les acheter. Ce qui fait que dans cette dynamique-là, elle est obligée de consommer, de détruire, de consommer toujours plus de ressources. Il faut prendre si on prend par exemple le cas du pétrole, qui est intéressant, beaucoup d'écologistes croyaient que le prix du pétrole allait monter jusqu'à $500 très rapidement et qu'on serait débarrassé du pétrole. En réalité, la compulsion de production qui est liée au capitalisme fait qu'au contraire, toutes les entreprises inondent le marché. Ce qui fait que le prix du baril est aujourd'hui à $30 et que, mis à part le blocage actuel de l'économie pétrolière en France, la consommation de pétrole ne diminue pas du tout. Et ce qui fait que, de part notamment, cette compulsion de production, toutes les entreprises capitalistes sont obligées, les entreprises nationalisées, etc., du Golfe, d'Iran, etc., produisent le maximum possible pour pouvoir vendre leurs marchandises le moins cher possible sur le marché pour rester compétitif. Et ce qui fait qu'on est sur des dynamiques, pas du tout sur les dynamiques qu'on attendait, mais plutôt sur une augmentation de la consommation de pétrole. Et le prix du pétrole semble pas prêt de réaugmenter durablement, puisque par exemple les techniques de fracking s'améliorent aux États-Unis et qu'ils augmentent l'efficacité énergétique des puits de pétrole en schiste. Ce qui fait qu'ils vont continuer de les exploiter malgré le prix du baril qui est aujourd'hui très faible. Et dans cette dynamique pour produire toujours plus de marchandises, les entreprises cherchent à diminuer leurs coûts, donc elles cherchent à diminuer leurs coûts salariaux, donc elles cherchent à éliminer le maximum possible de travailleurs du processus de production ou à diminuer les salaires, ce qui revient au même. Ce qui fait, et du coup, à les remplacer par des machines et des robots qui, eux, consomment énormément de ressources fossiles, etc. Et cette élimination de travailleurs, que j'ai expliqué dans une autre intervention il y a 2 semaines, fait que, du coup, il y a un manque de demandes solvables dans la population, parce que les gens ont moins de revenus, soit qu'ils sont au chômage, soit que leur salaire baisse, ou reste ou stagne, ou alors que la production est délocalisée dans des espaces où manifestement, comme par exemple au Bangladesh, les gens qui sont payés $1 par jour peuvent manifestement pas acheter beaucoup de marchandises des entreprises qui en déversent sur les marchés chaque jour. Ce qui fait que, du coup, moins de revenus, moins de demandes globales, c'est aussi du coup moins d'achats de marchandises, ce qui fait que les entreprises sont contraintes, encore une fois, pour rebaisser leurs coûts, pour rester compétitifs, parce qu'il n'y a pas assez de demandes globales sur le marché, à rediminuer leurs coûts salariaux, à rééliminer du travail, à réembaucher des robots ou des machines, etc., etc. Ce qui fait que, et surtout à produire toujours plus. Ce qui fait que, par exemple, dans le domaine du bois, le bois n'est pas assez rentable pour énormément d'entreprises forestières, ce qui fait qu'ils sont obligés quand même globalement d'accélérer toujours les coupes, notamment en Indonésie où ça a pris des proportions assez folles depuis 20 ans. Et du coup, ce qui fait qu'on pourrait dire que le capitalisme est un petit peu comme une espèce de roue de hamster enflammée. On est ce hamster et on est là, et les entreprises aussi sont ce hamster, et elles courent toujours plus vite en détruisant tout sur leur passage, et y compris en déréglant le climat. Et ce qui fait que, du coup, le philosophe allemand Hegel parlait de l'argent comme la vie de ce qui est mort se mouvant. Et c'est vrai que la crise écologique, on en est là parce que il y a cette dynamique folle qui est celle du capitalisme et qui est celle de l'argent. Et du coup, si l'écologie c'est l'affirmation de la vie, de l'autonomie du vivant et de l'harmonie des vivants, alors il paraît peu probable d'attendre un capitalisme durable, mais au contraire, il faut chercher à sortir du capitalisme. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire sortir du capitalisme? C'est aussi sortir d'une forme de société où on est obligé de vendre notre activité sous forme de marchandises, sous forme de travail, pour produire des marchandises. Aujourd'hui, tout le monde est contraint de vendre son activité comme travail sur le marché du travail pour pouvoir produire des marchandises. Et si cette production de marchandises ne rapporte pas suffisamment d'argent, les entreprises ou les auto-entrepreneurs ferment, mettent la clé sous la porte. Ce qui fait que même l'auto-entrepreneur qui veut être bio, éthique, etc., etc., est obligé malgré tout de produire des marchandises de manière rentable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. La logique du capitalisme pousse même les gens qui ont les meilleures intentions à avoir un impact écologique négatif. Je ne sais pas si, par contre, je fais une petite pause pour... je vais faire une petite pause... pour le passage de la manif. Quoi ? Ouais, vous m'entendez là ? Ok, bon bah je vais continuer alors. Et du coup, ce qui fait que cette activité qui est productrice de marchandises, qui est le travail marchandise, il a aussi un autre impact, c'est que comme ce qui importe dans le capitalisme, c'est de produire des marchandises de manière rentable, eh bien, nous devenons, même si on est des auto-entrepreneurs qui voulons produire de manière éthique et biologique, etc., on est obligé, malgré tout, d'être indifférent, au moins en partie, au contenu de notre production, même si, évidemment, il y a des gens qui produisent des choses de manière biologique, mais ils sont quand même contraints, par la logique de rentabilité, à être moins écologique que ce qu'ils auraient voulu sans doute être s'ils n'avaient pas eu cette contrainte de rentabilité. Et ce qui fait que le capitalisme induit par cette activité qui est indifférente, parce qu'il s'agit avant tout d'être rentable, elle produit une séparation avec la nature, et ce qui fait que il n'y a pas d'antinomie entre une critique du capitalisme et une critique de cette séparation entre l'homme et la nature. que Marx, à une époque où il était plus écologiste que plus tard dans sa vie, écrivait en 1844 « L'homme vit de la nature, cela signifie que la nature est son propre corps avec lequel il doit rester constamment en contact pour ne pas mourir. Dire que la vie de l'homme est liée à la nature, c'est dire tout simplement que la nature est liée à elle-même, car l'homme est une partie de la nature, et c'est le travail qui rend étranger à l'homme la nature et lui-même. » Et du coup, un peu plus tard dans l'idéologie allemande, Marx explique que notre rapport à la nature est déterminé par notre rapport aux autres, et vice-versa. Et quel est le rapport qu'on entretient de manière structurelle dans la société capitaliste aux autres? C'est celle de la compétition généralisée, de la guerre de tous contre tous, pour vendre nos marchandises, y compris nous-mêmes sur le marché du travail, puisqu'on est tous en compétition pour vendre notre activité, c'est dire à quoi on a été réduit. Et du coup, notre attitude vis-à-vis du non-humain, il suffit de voir les récents scandales dans des abattoirs biologiques, certifiés biologiques du Vigan, où finalement les pratiques sont pas mieux que dans les autres abattoirs, tout simplement parce que c'est la nature même du travail dans la société capitaliste qui fait que, voilà, comme ce qui compte c'est avant tout la rentabilité, la productivité et tout ça, on devient insensible aussi aux autres êtres vivants. Et du coup, il s'agit avant tout, pour sortir de la crise écologique, de sortir des rapports marchands, y compris de l'entreprise autogestionnaire, puisqu'elle-même est contrainte par des logiques de rentabilité, et aller vers une société au-delà de l'argent et du capital, vers des rapports, des chaînes, des réseaux de dons réciproques, et au moins dans un premier temps vers des échanges qui sont déconnectés du marché global, par exemple à l'intérieur des communautés zapatistes ou de la coopérative intégrale catalane. Et même si l'expérience la plus intéressante à cet égard reste les communes d'Aragon, dont je vais parler une autre fois, donc je ne reviens pas dessus. Je mettrai quelque chose sur le site en bibliographie. Voilà. Et donc du coup, il faut aussi sortir de la crise écologique, c'est aussi sortir de ce qui va avec la logique de la production de marchandises indifférente aux dégâts environnementaux. C'est aussi sortir du système politico-étatique qui lui aussi participe à la destruction des environnements. Il suffit de voir le rôle qu'a l'État dans la construction des lignes à grande vitesse en Italie ou dans l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pour voir que l'État n'est pas du tout ne peut pas être un État écologique, puisque comment est-ce que fonctionne l'État? L'État fonctionne grâce à de l'argent qu'il prélève sur l'économie, et donc son intérêt, c'est malgré tout qu'il y ait un maximum d'argent qui soit produit dans l'économie, ce qui implique structurellement le maximum de destruction écologique. Et même dans le système soviétique, on connaît les résultats écologiques, notamment la disparition de la mer d'Aral en URSS et les pollutions radionucléaires. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas non plus se reporter sur l'État pour sortir de la crise écologique, puisque l'État, lui aussi, et surtout depuis que 40 ans on est en crise, l'État, comment veut-il relancer le capitalisme français? En construisant des nouvelles lignes de TGV, c'est toutes les lignes LGV qui sont en train d'être construites dans le Sud, en construisant des aéroports, c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en construisant des autoroutes, c'est le grand autoroute qui va contourner Strasbourg, en construisant un Grand Paris, en construisant éventuellement des centrales nucléaires nouvelle génération, etc., etc. On voit bien que la logique de l'État n'est clairement pas celle d'une sortie de la crise écologique, bien au contraire. Et ce qui fait que si on veut vraiment sortir de la crise écologique, il faut prendre en main les processus sociaux, les processus de production, et ça implique non seulement de rompre avec la logique marchande, mais aussi de rompre avec l'État qui ne nous laissera pas faire ce qu'on voudra et aller contre la raison d'État. Et du coup, ce qui est aussi, c'est important de le dire, sortir du capitalisme, c'est pas seulement sortir de la logique marchande et de l'État, mais c'est aussi sortir de la matérialité capitaliste. C'est-à-dire, notre monde matériel, notre monde technoscientifique, industriel, il résulte du déploiement du capitalisme, c'est-à-dire que les industries sont construites, les techniques sont développées conformément aux besoins de l'économie capitaliste à ces différents moments, la machine vapeur au début du 19e siècle, les centrales nucléaires après-guerre, etc. etc. Et du coup, Marx, par exemple, disait que l'industrie est la forme spécifiquement capitaliste du procès de production. C'est-à-dire que l'industrie n'est pas non plus n'est pas une forme neutre, c'est-à-dire que parce qu'elle répond à cet impératif de production toujours croissante de marchandises, l'industrie, elle aussi, elle n'est pas neutre, mais elle cristallise, elle concentre en elle la logique de production infinie de, du capitalisme. Et du coup, ce qui fait que sortir du capitalisme, c'est aussi sortir de l'industrie, déconcentrer le processus de production, aller plutôt vers des espaces de population entre ville et campagne, sortir de l'opposition entre les gigantesques villes actuelles et le désert rural français pour aller vers des communes d'une taille relativement importante de plusieurs milliers d'habitants, de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, mais qui permettent un processus de décision autonome et pas d'en haut quelques centaines de kilomètres du ministère de l'Intérieur. Et ce qui fait que dans ce processus de sortie du capitalisme, dont je vais dire quelques mots en conclusion, il y a tout un tas d'infrastructures qu'on ne peut pas garder. On ne peut pas garder les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires ne s'autogèrent pas. Elles impliquent une domination par l'État, une gestion technocratique, gérer des déchets nucléaires de manière autogérée. Je vous laisse imaginer comment ça peut être amusant. Les gigantesques usines automatisées peuvent difficilement, qui dépendent de ressources rares à l'autre bout de la planète, peuvent difficilement aussi être autogérées et ne sont pas de toute façon compatibles avec une sortie de la crise environnementale. Et du coup, sortir du capitalisme, c'est aussi inventer une autre matérialité, une matérialité faite d'outils conviviaux, comme disait Illich dans les années 70, c'est-à-dire d'une matérialité qu'on peut gérer nous-mêmes. Ça peut être des roues, des petits ateliers, etc., etc. Moi, je vais bientôt finir. J'ai combien? 2 minutes? D'accord, ouais. Non, mais je vais finir, j'ai presque fini. Et ce qui fait qu'il y a toute une partie de la matérialité capitaliste qu'on ne peut pas se réapproprier. Il y a une partie qu'on peut détourner, mais qu'on va pas réutiliser de la même façon. Les autoroutes peuvent difficilement être réemployées telles quelles. D'ailleurs, ça n'aurait pas un intérêt monstrueux. Il vaut mieux se contenter de routes. Puisqu'on sait que les autoroutes, ça demande un entretien de dingue. Voilà. Et qui est de toute façon difficilement compatible avec une sortie de la crise environnementale. Et donc du coup, voilà, sortir du capitalisme, c'est sortir de la logique marchande, de l'État, et aussi de la matérialité capitaliste pour pouvoir sortir de la crise environnementale. Et du coup, évidemment, c'est un vaste programme, et vers lequel il faut tendre offensivement au moyen de mouvements comme celui d'aujourd'hui, même si il s'est constitué contre la loi travail, mais il est aussi contre la loi travail son monde, et ce monde, c'est aussi le monde de la crise écologique et de la dynamique capitaliste d'anéantissement du monde et des environnements et du climat. Et du coup, il faut se tourner vers des luttes offensives qui ne se demandent pas simplement de rester sur ce qui est aujourd'hui, qui est un monde qui va vers une catastrophe écologique historiquement inédite, mais construire à la fois des mouvements sociaux qui soient capables éventuellement à un certain moment de renverser la logique capitaliste qui nous mène droit dans le mur, et à côté de ça éventuellement développer des expérimentations pratiques de grande ampleur. Je pense aux apatismes depuis 20 ans et la coopérative intégrale catalane, qui, même s'ils ne peuvent pas prétendre sortir vraiment du capitalisme et être l'embryon de la société capitaliste, de post-capitaliste, pardon, future, qui résoudraient les problèmes écologiques contemporains, mais au moins c'est des expérimentations importantes parce qu'ils permettent de montrer que autre chose est possible et aussi de faire des premières erreurs, histoire que si jamais on a la possibilité de renverser ce système, qu'on fasse pas n'importe quoi, comme par exemple en 1917 après la révolution d'octobre. Donc du coup, vaste programme. Je vous invite à écouter une intervention que j'avais fait une amie sur les communes, qui donne une bonne idée de comment est-ce que concrètement, quelle piste de sortie du capitalisme et de la crise écologique. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, si vous avez des questions à poser à Armel, je profite juste pour préciser que l'intervention en question, c'était ici, c'est ça ? Voilà, donc c'est disponible sur notre site Debout Éducation Populaire, où il y a pratiquement toutes les interventions. Il y aura celle d'aujourd'hui aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des réactions ? Oui ? On va essayer le micro. Ok. Bah, bonjour déjà. Et enfin, j'ai entendu ta conférence. Ah oui, c'est... Et j'aimerais parler des différentes solutions qui sont mises en place aujourd'hui, dont je trouve qu'on ne parle pas assez, notamment les start-up qui, au lieu d'avoir comme objectif la maximisation du profit, elles l'utilisent comme moyen pour un autre but après. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de start-up montées par des jeunes qui essaient d'avoir une éthique écologique et aussi, pour en revenir à la dernière conférence, une meilleure considération des salariés. Par rapport à l'éthique écologique, je voudrais porter l'exemple de Optimium. C'est une entreprise qui est partie du constat d'il y a 10 ans ou 20 ans à peu près, qui a un énorme gâchis alimentaire qui est fait, notamment par les restaurants. Et leur but, ça a été de faire une application où on peut trouver les différents restaurants qui ont des restes, en quelque sorte, et de fournir un prix inférieur à celui qui est normal à des personnes qui voudraient acheter. Et donc je trouve que c'est là où il y a le plus de solutions, c'est dans la mise en avant de start-up qui ont d'autres idées que les grandes entreprises aujourd'hui, parce que concrètement on ne va pas demander à Total demain d'avoir un intérêt écologique, eux ils s'en foutent totalement, le but c'est juste l'argent. Et je pense que sur le long terme, si on arrive à leur montrer qu'avec une éthique sociale, on peut se faire plus d'argent qu'eux, c'est là où ils vont se poser des questions et ils vont se dire que peut-être faut faire quelque chose. Et aussi, avec par exemple Optimium ou d'autres startups qui sont montées, on a vu aussi par exemple Anne Hidalgo parler de plus en plus du gâchis alimentaire, ou Arash Darambash, qui est le maire de Courbevoie, en parlait aussi. Et donc je pense que c'est là où on peut agir le maximum, où ça peut vraiment porter ses fruits. Merci. Du coup, évidemment qu'il y a toujours des entreprises qui voudront mettre en avant des initiatives. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de monter une start-up pour faire de la récupération alimentaire, mais bon, ça c'est une autre question. Le problème, c'est que même si ces start-up veulent être éthiques, l'argent n'est pas un moyen. L'argent est il y a des entreprises effectivement qui peuvent se mettre sur des créneaux écologiques, mais ce qui compte avant tout c'est la rentabilité des start-up, ce qui fait que même si en apparence elles développent des initiatives qui peuvent être un petit peu moins pires écologiquement, on sait que en sortant de la logique marchande, il n'y a pas cette contrainte de rentabilité. Par exemple, je sais pas moi, dans les communautés zapatistes ou dans les communes d'Aragon, le fait de pas avoir cette exigence de rentabilité fait que l'impact environnemental est moindre. Et puis juste pour préciser quand même que une application, enfin les smartphones sont pas particulièrement des produits particulièrement écologiques. Ce sont au contraire des produits qui sont particulièrement destructeurs écologiquement. On oublie souvent que l'infrastructure numérique est responsable de 4% des émissions de CO2, qu'elles utilisent des terres rares et parfois du coltan, qui sont des matériaux qui sont produits à l'autre bout de la planète dans des conditions écologiquement et humainement destructrices. Et effectivement, il peut y avoir dans le cadre du capitalisme et même dans le cadre d'entreprises des initiatives un peu plus écologiques que d'autres, mais la logique de la rentabilité fait que ça paraît quand même très peu probable. Enfin, en tout cas, il y a globalement l'histoire du capitalisme depuis deux siècles nous montre le contraire, que et d'ailleurs ça fait 40 ans que le capitalisme est censé avoir intégré le mot d'ordre de l'entreprise durable, etc., etc. Pour l'instant, peut-être que des entreprises écologiques diminueront très très très très très très très légèrement l'impact écologique du capitalisme, mais il me semble pas que ce soit la solution à une crise environnementale qui soit aussi importante. Tu as parlé plusieurs fois de ce qui se faisait dans les communautés zapatistes, donc en Amérique latine. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, enfin, parce que je pense que tu as l'air de connaître bien le sujet. Donc la question portait sur la question des communautés zapatistes. Alors, bon, les communautés, pour faire assez bref, l'expérience zapatiste, c'est une expérience qui est née en le 1er janvier 1994. L'ALENA, qui est une zone de libre-échange, est proclamé entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, avec comme effet que le maïs OGM américain a été déversé sur le Mexique, ce qui fait qu'il y a des millions de paysans qui ont été chassés de leurs terres par justement de la pression de la concurrence capitaliste, et qui sont allés s'employer dans les maquiladoras au Mexique. Et le 1er janvier 1994, il y a eu une insurrection armée au Mexique, où plusieurs villes du Chiapas, qui est située à l'extrême sud du Mexique, plusieurs villes ont été occupées par ce qui s'appelle l'armée zapatiste de libération nationale, qui au début était le modèle classique de la guérilla marxiste, c'est-à-dire voilà, on fait des trucs, enfin on prend les armes dans les campagnes et puis de proche en proche on va prendre le pouvoir dans le Mexique pour faire un état socialiste, etc. Et en fait, au contact des paysans, ils sont partis sur une optique assez différente, c'est-à-dire plutôt que de chercher la conquête du pouvoir, plutôt chercher à créer une zone d'autonomie protégée où les paysans pourraient récupérer leurs terres. C'est ce qui est fait. Ils ont récupéré leurs terres, pourraient récupérer la gestion de leurs ressources communes. C'est ce qui a été fait. Et pourraient prendre leurs décisions de manière collective et non pas que des bureaucrates de Mexico leur imposent des décisions en général contraires à ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, ils ont mis en place, depuis 1994, malgré les interventions assez fréquentes de l'armée mexicaine et des paramilitaires qui ont fait de nombreux massacres historiquement depuis 22 ans, du coup, que cette expérience existe. Ils ont réussi à construire une zone d'autonomie qui groupe à peu près 20 000 personnes, ce qui est pas mal, sur une surface à peu près équivalente à la Belgique. Ils ont réussi deux choses qui sont intéressantes. D'un point de vue, ils ont réussi à construire un système politique qui ne dépend pas de l'État mexicain et qui surtout ne reprend pas le modèle de l'État, c'est-à-dire que les décisions sont prises au sein des assemblées des différentes communes villageoises. Et c'est, même si certaines décisions sont prises à un niveau de ce qu'ils appellent les conseils de bon gouvernement, à un niveau un peu plus large que simplement celui d'un village, ou même... Il y a trois niveaux, donc il y a la commune villageoise, un groupe de villages et puis cinq conseils de bon gouvernement qui sont situés dans le Chiapas. Et même si évidemment ces cinq conseils de bon gouvernement prennent des décisions, par exemple en cas d'urgence ou sur des projets qui concernent l'ensemble du Chiapas, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même en dernier ressort les assemblées communales qui prennent les décisions. Si les gens des conseils de bon gouvernement ne font pas ce qu'on leur dit, ils sont immédiatement virés et révoqués. Ces personnes qui s'occupent des conseils de bon gouvernement n'ont aucun avantage matériel. Et un conseil de bon gouvernement pour vous dire, c'est une petite maison avec un ordinateur, c'est très peu de moyens en fait, c'est pas l'Assemblée nationale quoi, et le ministère de l'Intérieur. Et il n'y a pas d'avantage matériel, et surtout il y a une rotation des charges, les gens sont élus pour 2 ou 3 ans, mais tous les 15 jours, ils alternent entre eux, ce qui fait que tous les 15 jours, ils sont quand même dans leur village à s'occuper des affaires, de leurs propres affaires, à cultiver leurs champs, même si les champs sont gérés en commun, mais ils ont toujours un petit lopin de terre, etc. etc. L'autre volet, donc il y a quand même une autonomie politique qui se fait contre l'État mexicain et contre le modèle de l'État et contre le modèle de la politique électoraliste, etc., etc. Et surtout, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait appeler le démocratisme, c'est-à-dire on change le système politique, mais on ne change rien aux structures de production, aux relations entre les gens, etc., etc. Ça va beaucoup plus loin que une constituante ou quelque chose comme ça, puisque il y a aussi un changement des rapports de production. Ils produisent quand même majoritairement pour les communes, pour eux, et il y a évidemment des transferts qui se font entre les différentes communes s'il y a des manques et des besoins qui sont exprimés, sans forcément passer entre communes, en tout cas sans passer par l'argent, même si évidemment, comme ils sont insérés dans ce qu'ils utilisent quand même l'argent pour se déplacer d'un point A à un point B en autobus quoi. Mais disons qu'ils sont leur société n'est pas fondée sur l'argent, leur relation dans la communauté n'est pas fondée sur l'argent. Ils produisent avant tout pour satisfaire leurs besoins et pas pour produire des marchandises, même si à côté de ça, et eux-mêmes ont conscience de leurs limites d'ailleurs, ils produisent encore des cultures d'exportation je vais donner la parole juste après. Des cultures d'exportation de café, ce qui fait que ça limite un peu, mais ils produisent quand même largement pour satisfaire leurs besoins en autosubsistance. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ils ont un système d'éducation autonome, qui n'est pas celui du Mexique, et où les instituteurs enseignent et ne sont pas rémunérés avec un salaire de l'État mexicain, mais sont simplement logés, nourris, blanchis, on leur donne un peu d'argent pour qu'ils aillent quand même dans la ville, etc., etc. Ce qui fait que, ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils s'organisent en autonomie politique, mais aussi dans leur lien dans la communauté, ils sortent de la production, de la logique marchande, et c'est ce qui fait que c'est une expérience qui est très intéressante et qui dure depuis 22 ans. Ouais, alors par rapport au système de santé du coup, le système de santé c'est un petit peu plus compliqué parce qu'évidemment ils sont dépendants quand même des médicaments génériques. Ils ont mis en place un système de soins autonome qui est d'ailleurs largement meilleur que celui que l'État mexicain a mis en place dans cette région assez pauvre du Mexique. Je sais pas à quel point jusqu'où ils traitent les cas les plus graves. Je sais pas s'ils font de la chimiothérapie, j'en sais trop rien. Ils soignent quand même des maladies relativement graves qui nécessitent pas, disons, un matériel ultra moderne quoi. Mais ils ont peut-être le niveau d'équipement des hôpitaux français dans les années 50-60, ils ont un niveau raisonnable, on va dire, qui est en tout cas meilleur que celui qui est dans la région, ce qui fait que beaucoup de gens qui ne font pas partie des communautés zapatistes vont se soigner là-bas, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ils n'utilisent pas un personnel de soins qui est payé par l'État mexicain, ils ont quand même une formation, les aides-soignants ont une formation qui correspond... ils n'ont pas de docteurs qui font 8 ans d'études, quoi, mais ils ont des gens qui ont quand même une formation médicale, je sais pas, du niveau d'une infirmière française, quoi, un niveau quand même assez important. Ce qui fait que ils arrivent quand même à mettre en place un système de soins autonome, même si évidemment il est beaucoup moins autonome vis-à-vis du capitalisme que le système éducatif qui là est quasi complètement autonome. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ils délèguent pas ça à l'État mexicain. Mais ils essayent de prendre en charge quelque chose qui pourtant est difficilement prenable en charge. Oui. Alors, dans la première partie de ton exposé, tu as parlé de tas de choses qui allaient extrêmement mal. En fait, tout allait mal. Tout était fait n'importe comment. Rien n'est, c'est ni fait ni à faire. Le capitalisme, l'argent, tout est à revoir. Ensuite, avec le Chiapas, tu montres une communauté exemplaire sur la planète. Mais je vais revenir à notre France. Il faudrait quelques étapes peut-être avant d'arriver à ce que tu proposes. Parce que nous, on n'est pas le Chiapas. Nous, on est les rois du nucléaire. On a un projet de 80 milliards de ventes de nucléaire à l'Afrique du Sud. Oui, effectivement, l'État français est effectivement à la pointe du capitalisme et de la crise environnementale, notamment dans sa dimension nucléaire, puisque rappelons que le nucléaire, ça fait quand même partie de la crise environnementale, puisque les géologistes, pour qualifier notre époque, parlent d'anthropocène, et ils se basent notamment sur le fait qu'on retrouve, même dans les calottes glaciaires de l'Afrique, de l'Antarctique, les traces de tous les essais nucléaires qui ont été... des explosions nucléaires de Tchernobyl, etc., etc. Et si on les retrouve dans les calottes glaciaires, on imagine qu'on les retrouve aussi ailleurs. Effectivement, on est en France assez loin de quoi que ce soit qui puisse ressembler au Chiapas. On est dans un état capitaliste qui est extrêmement fort. D'ailleurs, on le voit, qui fait une petite démonstration de force autour de la place, avec ses petits gyrophares. Et disons que on est effectivement très loin de d'une quelconque sortie du capitalisme, même aussi partielle que celle du Chiapas, même si effectivement il y a une espèce de mini Chiapas qui est très mini, hein, qui est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où il y a quand même des rapports sociaux autres qui sont expérimentés, qui sont en autonomie politique, mais pour l'instant c'est très faible, mais ça a le mérite quand même d'exister. Et après, évidemment que en l'absence de mouvements sociaux de masse ou alors de territoires assez importants comme Notre-Dame-des-Landes, mais il faudrait des centaines et des milliers de ZAD quoi, pour que c'est un impact significatif sur l'État capitaliste français, il n'y a qu'un mouvement social très fort. Aujourd'hui, il est quand même relativement fort et il est très appréciable parce que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un mouvement social aussi fort qu'actuellement. Mais le mouvement social, aussi fort qu'il soit actuellement, a malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais enfin moi je dirais plutôt malheureusement, des objectifs assez limités qui consistent à exiger, ce qui est déjà pas mal, hein, le retrait pur et simple de la loi travail, mais n'a pas pour objectif de sortir du capitalisme. Ou de sortir de l'État, même si il y a des tendances, il y a quand même des tendances assez fortes dans ce mouvement qui vont vers ça. Et tout ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que ces tendances aient plus de poids dans le cadre du mouvement actuel et que la loi travail passe ou non, que on ne s'arrête pas là et que on pousse. Qu'on aille vers vers une sortie du capitalisme et de l'État, et ça implique non seulement évidemment une prise de conscience des discussions, des lectures, mais ça implique aussi une auto-organisation des luttes de et notamment sur le terrain écologique, de multiplier les ZAD partout quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions sur ces liens entre capitalisme et écologie, en gros? Non, pas de problème, si. Il s'appelle Victor, c'est ça? Non, Armel. Armel, d'accord. Bonjour Armel. J'ai pas suivi le début de ton intervention, quoi qu'il en soit. Moi j'ai une question par rapport. Vous m'entendez mieux? Parfait. J'avais une question pour Armel parce que j'ai pas entendu le début de son intervention sur ce qu'il entendait exactement par capitalisme. Parce que bien souvent, en fait, on parle de capitalisme, une société simplement de méthode de production ou de reproduction et non pas en fait un lien qui s'inscrit dans une politique et notamment libérale. Parce qu'effectivement, il y a le capitalisme et il y a le capitalisme libéral. Et c'est là peut-être où on aura certainement des désaccords. Pourquoi ? Parce que bien souvent, en fait, les externalités négatives qui sont induites en matière écologique sont principalement faites par le plus gros pollueur qu'on connaît en France, c'est-à-dire l'État. L'État, tu l'as dit, est un État capitaliste. En fait, il est à mi-chemin, reprendre en fait les techniques du privé avec l'argent du public. Et c'est ça qui est pertinemment fallacieux en fait dans le système de société dans lequel on vit, car on fait croire qu'on est dans une société capitaliste alors qu'on n'est que dans un État capitaliste. Aujourd'hui, le libéralisme, on ne le connaît pas en France. Alors bien sûr, là, à nuit debout, tout ça, on critique le libéralisme, mais finalement, bienheureux celui qui pourrait donner 1000 exemples de ce qu'est le libéralisme en France. Que ça soit une liberté sociale, sociétale, ou bien entendu économique, notamment sur la liberté d'entreprendre. J'aimerais juste donner un exemple, et j'aurais pu parler, quelqu'un parlait du nucléaire. Société, système ultra subventionné par l'État, les hydrocarbures, pareil, énergie polluante ultra subventionnée par l'État. En fait, à croire que l'État intervient dès lors où ça pollue beaucoup. Ou, dès lors où, bien entendu, il a quelques mains ou quelques intérêts avec certains groupes organisés, lobbies très organisés, qui arrivent à avoir une influence jusque dans la strate de l'État. Un exemple sur, justement, cette consanguinité totalement négative pour l'environnement de cet interventionnisme public. Les remontées mécaniques. Petit secteur, mais par exemple, pour ceux qui habitent en Savoie, en Haute-Savoie, à Grenoble, etc., c'est un secteur économique très important. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est un secteur qui est ultra subventionné. On le sait peut-être pas, mais les remontées mécaniques sont un service public en France. Depuis à peu près 59 au niveau jurisprudentiel, et depuis 83 depuis la loi Montagne. C'est-à-dire qu'en qualité de service public, ils sont organisés par les communes support, et donc par les pouvoirs publics. Et en cette qualité, ils sont gérés soit de manière internalisée, sous forme de régie, soit de manière externalisée par des délégations de services publics. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'avec le réchauffement climatique, eh bien, on voit que les remontées mécaniques sont de plus en plus mal exploitées et mal exploitables du fait qu'il y a une perte de clientèle d'une part du fait de la concurrence internationale qui se fait au profit de la Suisse et notamment de l'Autriche, mais qu'avec les remontées mécaniques et le réchauffement climatique, on a de moins en moins de neige et donc de moins en moins de possibilités de pouvoir skier. Avec cet amoindrissement de la neige, on met de la canonisation. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait la région Rhône-Alpes ? Elle le subventionne de manière terriblement importante, la canonisation. Gros problème environnemental. Et d'autre part, elle remet encore l'argent du contribuable dans les caisses, en fait, des sociétés d'exploitation, qui, elles, privatisent les profits et collectivisent les pertes. Et c'est toujours la même logique. Et dès lors où demain, et je finirai là-dessus, dès lors où demain, il y aura une remise en état obligatoire des sites, dès lors on devra enlever les remontées mécaniques parce qu'elles ne sont plus possibles à être exploitées, comme ça s'est passé à Chamonix. Qui va payer ? Eh bien, en qualité de service public, ça sera le contribuable qui devra payer et pas les sociétés d'exploitation. Ça, c'est un gros problème de l'interventionnisme public. Donc en fait, une des questions, et là je prends un petit peu de hauteur par rapport au débat, c'est pas qu'il faut moins en fait de capitalisme, c'est qu'il faut un capitalisme libéral. Et dès lors où il y aura un capitalisme libéral sur certains pans de la société, il y aura une rationalisation économique qui se fera sur pas mal de secteurs, dont celui des remontées mécaniques, dont celui des hydrocarbures, dont celui du nucléaire. Faut pas oublier que, et là je m'adresse au cœur anarchiste de certains d'entre vous, qu'on avait Proudhon qui disait certes au début de sa vie que la propriété c'est le vol, mais qu'à la fin avait compris justement que l'intérêt c'était de pouvoir exploiter cette propriété et que lui-même admettait que la propriété, non pas le vol, mais l'envol, que ça permettait justement de réorganiser au profit de soi et au profit d'un bien-être collectif et de respecter cette propriété. Sur le fait que le... Bon, comment dire ? Je pense pas que le capitalisme soit meilleur dans sa version avec un état minimal qu'avec un état maximal. Je pense que... Enfin, je pense pas qu'il faut choisir entre les deux. Des états minimaux avec un libéralisme très fort, comme par exemple... En Angleterre, au début du 19e siècle, qui est quand même le terreau du libéralisme classique, a fait que c'est le lieu de naissance de la machine vapeur. L'Angleterre libérale, en 1825, c'est 80% des émissions de CO2. et sur un mode purement libéral, puisque chaque industriel était libre de prendre ses propres machines vapeur. Et donc, je ne pense pas que le capitalisme libéral pur soit moins pollueur que le capitalisme étatique, puisque l'Angleterre du début du 19e siècle, quand même le modèle, s'il y a quand même un modèle, c'est l'Angleterre du début du 19e siècle. L'Angleterre du 19e siècle a été le terreau de la révolution industrielle, de la révolution de la machine vapeur, et c'est elle qui a été la première à nous lancer sur la voie du dérèglement climatique et du réchauffement climatique. Après, ce qui est paradoxalement, enfin, je ne sais pas si c'est paradoxal, ce qui était là où, évidemment, pas du tout dans le même sens que toi, puisque je suis contre le capitalisme libéral qui soit, et y compris contre le capitalisme d'État. Ce qui est intéressant dans ton intervention, c'est peut-être de rappeler, malgré tout, que le capitalisme a toujours fonctionné de pair avec l'État. Et d'ailleurs, même quand je prends le cas de l'Angleterre, évidemment, il y avait quand même un État. À quoi servait cet État? Cet État minimal, selon Adam Smith, l'État minimal sert au moins à garantir la propriété privée, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, à faire des enclosures parlementaires, c'est-à-dire à exproprier les petits paysans au profit des propriétaires intermédiaires et des grands propriétaires. Et l'État, évidemment, a joué un rôle. Il joue aussi un rôle dans la justice de classe. Qu'on a aujourd'hui, il sert à garantir la propriété privée, les entreprises, à garantir aussi la reproduction générale du capitalisme, c'est-à-dire que sans État, sans armée, sans police, sans armée, les autres États capitalistes peuvent envahir le territoire, donc ça sert à ça l'armée. Sans police, il y aurait une remise en cause très rapide de l'ordre capitaliste, et l'État sert aussi à ça, à réprimer tous les mouvements sociaux et révolutionnaires qui ont eu lieu depuis deux siècles, et y compris en Angleterre dans les années 1810, où l'armée anglaise a réprimé le mouvement luddite. Même cet État minimal, alors effectivement, après il y a des États qui prennent en charge des parties plus importantes du processus de production, dont l'URSS est l'accomplissement terminal, puisque là c'est toutes les entreprises sont subventionnées publiquement, étatiquement, etc., etc. Bon, je sais pas si entre les capitalistes privés et les bureaucrates, j'ai pas vraiment envie de choisir, mais au moins ce qui était intéressant en ton intervention, c'est de pointer le fait que l'État même minimal est une force de garantie du capitalisme, comme celui en Angleterre au début du 19e siècle, et l'État maximal, entre guillemets, peut carrément prendre en charge tout le processus de production capitaliste. En France, c'est plutôt un État entre les deux, on va dire, et qui effectivement peut prendre en charge des services publics, et au moins, bon, disons, ton intervention avait au moins l'effet de sortir un petit peu de l'idée qui est quand même dans une partie de la gauche, c'est-à-dire qu'il faut jouer l'État contre le capitalisme, alors que l'État et le capitalisme sont deux systèmes qui sont intrinsèquement liés. L'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'un. L'État a besoin du capitalisme pour se financer, pour financer son armée, pour financer son administration, etc. Et le capitalisme a besoin de l'État pour réprimer les mouvements sociaux, pour garantir la propriété privée, éventuellement à des phases antérieures pour exproprier carrément les paysans, etc., etc. Alors, on va prendre une dernière intervention ou question, si vous en avez. Ah, attends, je vais voir s'il y a d'autres gens qui... Non? Du coup, tu voulais réagir à juste une question, d'accord. Je voulais te demander si tu confondais pas en fait l'espace capitaliste et l'espace de normativité en fait, qui sont deux choses différentes, parce que tu peux avoir un espace normatif avec une pyramide des normes qu'on dit, d'ailleurs c'est tous les enjeux en ce moment avec la loi travail, une pyramide des normes où forcément l'administration et donc la police, l'armée sera en quelque sorte la main physique, le porte-flingue en quelque sorte de cet espace d'organisation normative. Donc organisation normative d'une part, mais qui peut être quasiment en fait très interventionniste, sans rentrer en fait dans une spécificité libérale ou interventionniste, et en fait l'espace capitaliste. Pour moi, il y a deux choses différentes, et en fait tu mélanges les deux. Bon, je vois à peu près ce que tu veux dire. Bon, disons qu'historiquement, cet espace normatif a quand même toujours accompagné. Alors effectivement, on pourrait dire que le capitalisme n'a jamais existé, mais bon, ça paraît quand même difficilement tenable. Bon, mais pourquoi pas. J'ai l'impression que du coup, le modèle de société que toi tu favoriserais, ce serait une espèce de société. Enfin, c'est un peu le modèle d'ailleurs de Proudhon, et c'est aussi la critique que faisait Marx à Proudhon, c'est-à-dire le modèle de la petite société marchande en fait. C'est difficile de répondre, parce que si le capitalisme n'a jamais existé, que l'Angleterre du début du 19e siècle n'est pas une société capitaliste, parce qu'il y a effectivement des normes, il y a du droit, il y a un droit capitaliste, il y a la justice capitaliste, il y a la police capitaliste, il y a l'armée capitaliste, enfin l'armée et tout ça. Bon, si ça c'est pas du capitalisme, du coup si on enlève cet espace normatif. Je vois difficilement comment est-ce que le capitalisme peut fonctionner sans espace normatif. Ça veut dire que tous les propriétaires de marchandises, ça c'est une expérience de pensée que fait Marx dans le Capital, tous les propriétaires de marchandises arrivent sur le marché avec leurs marchandises et y a personne pour garantir qu'ils sont propriétaires de ces marchandises, il y a personne pour garantir les contrats qui vont passer ce qui paraît quand même assez peu probable, si on en croit du moins l'anthropologie libérale, que l'homme est un loup pour l'homme. Et à partir du moment où les hommes sont en compétition pour vendre leurs marchandises sur un marché, on voit difficilement comment est-ce que ils vont de leur plein gré respecter leurs contrats, etc., etc. Bon, après, ça reste. Alors, si on est dans ton approche, on distingue le capitalisme historique d'une espèce de. Bon, de projection d'une société marchande, pure, mais avec aucune normativité. Là, c'est une autre critique. Moi, je suis pas favorable à ce. Je pense qu'il faut effectivement aller sur une société sans normativité imposée d'en haut, mais où on produit nos propres règles sociales. Mais il me semble pas que la manière la plus intéressante de nous rapporter les uns aux autres. Et soit à travers toujours cette production de marchandises en petits propriétaires séparés qui vendent ça sur un marché même local, etc., etc. Mais bon. Bon, bah, on va accueillir nos deux intervenants suivants. Et on va remercier Armel. Merci beaucoup pour ton intervention passionnante. D'accord, donc tu nous enverras des références, des trucs dont tu as parlé, et on va les mettre en ligne sur le site Debout Éducation Populaire, où il y a les enregistrements, il y aura ton enregistrement, et il y a toujours une petite, un petit résumé avec des références, etc. Voilà. Et je vous rappelle que tout le monde ici peut venir intervenir, faire une intervention, donc n'hésitez pas, il n'y a absolument pas besoin, besoin d'être expert ou voilà, tout le monde peut vraiment venir intervenir pour parler de ce qu'il souhaite et qu'on puisse en discuter sur la place. Donc n'hésitez pas à venir nous proposer vos idées ou votre thème. Voilà. J'en profite aussi pour dire que vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment hein, et pas seulement au bout de 20 ou 30 minutes. Et donc, même pendant l'exposé, la présentation de l'intervenant ou de l'intervenante, n'hésitez pas, hein, vous levez la main et voilà, c'est vraiment la forme libre. Enfin, si ça vous dérange pas, mais voilà. Ah bah parfait, d'accord, très bien. Alors, on vous laisse la parole.